Ok, ok, ok, yes, la famille, t'as reconnu la voix, c'est ton gars. DJ Bobo BXL. Ici, on ira vers un autre univers musical. On ira faire un tour vers le foot à Dialon, la planète des amoureux. Donc voilà. Vous découvrirez des belles mélodies délicieuses, sucrées au goût de miel. Parfumé au goût de rose, dédié à tous les amoureux. On emballe tout ça dans un carton, on remet aux amoureux. C'est pour eux. Yeah. Le spécial cadeau Saint-Valentin, ça commence maintenant. Let's go. Oh, langa, ninka mi dana kiga, ikol nosonja langa, ninka mi wala kiga, yanu gite nonangi lanje maupetu, mi dana kiga, tuta rututa, rututa rututa, tuta rututa, rututa rututa, yau tam, baby yau tam kofala da. Hit the foot, the only hollow. Adio, adio, adio. Baby girl, me go on.

toujours la session des amoureux avec DJ Bobo BXL. Le podcast spécial Futaka Gigol. Let's go. Like in the amount of water. Me the older, Sherry, me the older. Me the older, sell life in the amount of water. Earn the doggy side of a woe, giggle caddy dog about pass. Pull out my own moving in me, on to one die and the baby. Earn the doggy side of a woe, on to follow the tame you lady. On to one die and the sherry. I'm to muyete me your baby. Mula vela, angal vela. Pawoma on wono taco. Pawoma on wono taco. I'm to mortini me your shiri. Cosera sera. Cosera sera. Cosera sera. Wala lando seta del yo. Mirba. Mido ulta. Sobe mido ulta. Mido ulta. Se la fin de amor. Ara wuli tola fe no jangol ino weli 14 ino leuni ino bubi debu ankun ka danki o ami jo imi sabbi gota biti no your mami misire uga benda fonglo tumbi ko antu fale te mi debi aduna ko lere lere aduna ko sai sai po beberu mun kasare. Antum fale temi, kido ango ngarafiye. Yeah. Oh no no no no no no no. El Comoriano. Mami woni e mi jago see a whole lucky me don't worry would a go so see free ma na di lange hoy du go ai mi e ka e kol mi ala ye fam kon ai mi e ka du dal mi ala ye jang go ta te uto me e fala ye what du go ta te uto me be fala ye sen du go. Don't be forced to me, for I'm a worry, daru gol. Don't be forced to me, for I'm a worry, suba gol. Si konjuri, hilo wange yari dai. Si kokachu, sheri yange yari dai. Iko si kona unare, mimi na unaifima. Iko si kota mpere, mimi tampaifima. La famille toujours dans la session des amoureux. C'était Army Flow dans Gio. Encore une fois, dédicace à tous les amoureux. N'oublie pas, le mix s'appelle Futaka Giggle. On enchaîne avec Mani Diallo dans Tengyo. Yeah. spécial avec les belles mélodies du Fouta. Le mix s'appelle Fouta ka Giggle. Yeah. Aïcha, t'as reconnu le son maintenant, on va marcher avec Siphon Boy, Mani Jima, les belles mélodies du Fouta Diallo, Fouta Diallo, let's go. Kofouda bata konda mari, awane iya yo boys, baby, sheri wada joy, mingi go si go joy, mido iri, si go gere, bela tala, na peti ni foko ngarima. I'm gonna go get a little bit of a mira y duma mi sunal. Mi jefe te es un buen am. Mi chuba te es un buen am. Mi dama bota daima. Paico que colbona él. Cabo te metí. Con su rime ranfu. Mira fama fu. Fai ran ranu. Mandu mandu no hay wakarot. Tony Madi no voy a tomar. Forma o no forma correct. Mie tu mi du ma direct. Si cosa ganga wona ino fia un mintu. Ara hai si awa lo to hao lo to lantu. Si na tako wa ngara ina belti na lantu. Si mi himi da ama da fija na lantu. So mi uko mi basa. Yo mi defu nyama. Ya ronki yo mi bose. Mi yango to fima mi rukata. Nari nye nari. Yeah. original Afro connection. DJ Bobo BXL. Da fala mo fala kafima kadi color la tu wo be so da te oto kanye fia no tu mo be banja chube mo fio be jame tu e forse be o ki tire fia yal tu kagale tu jomba ma jodo ta ko kadi mini ko nyako tu korondi ne dongal bi bena yo fia lu tu tu ande mo hide jango mo anye ko ganyo tu mo me do da fale Call one a force, I said that only for me to that fale. We call one a mass, I said that only for me to that fale. We call one a doll, I said that only for me to that fale. We call one a can you for set that boom? She was the hit him all, well, let them wanna holla soon. Wanna holla soon. Galaxy saw the tag, it called Cosimo Falla soon. Simo Falla soon. Jump on that point here, mama, don't come on it soon. Come on it soon. He called no statistics. Data hara seladum, seladum. Gorko meta fisa wawani mo redundum, redundum. Fale amen do da walai ko sedatum, sedatum. Depo na supuli kisini piko ya molutum, boya molutum. Jala na lang ya ya bumbi de filtra kudukum. Le son est bon, yes. Si tu connais pas, c'est Khalil from Afro Connection. Va checker sur YouTube. À présent, on enchaîne avec un autre artiste. Il s'appelle Diosa. Thank you. Café um da área. kudungu Andi doye gatungu Andi kodati to kudungu Mido mari kumkoru Mido mari nyedugu Mido bado makagatu Mido nune kungebu Mido mula maebusu Ida mula kumgitu Mido nuno maekinu Ida wula kilunkalu Salah.